Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet 94.2 ou peut-être sur le net, hein, www.fadjet.net. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. Alors on vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs, les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Alors mes partenaires de jeu, depuis 3 mois, et puis depuis maintenant 2014, hein, on a commencé l'émission, maintenant on est 3. Allez, on commence par les familles. Anaïk, bonjour à toi. Tous. Ça va ? Oui, ça va bien, merci. Contente d'être à l'antenne. Ravis. C'est vrai qu'un mois, c'est long quand même, hein, faut attendre. Hein. Oui, mais moi je bosse pendant ce temps-là, je travaille sur l'émission, je prépare. Et il y a aussi un autre Jack qui était avec nous la dernière fois, un petit peu en indirect, mais il était quand même là. Bonjour à tous. Comment tu vas ? Ça va très bien. C'est vrai ? Je suis content d'être revenu enfin. Voilà, encore beaucoup de voyages. Oui, un petit peu, un petit tour de France. Quelques-uns. Alors, Jack, c'est le globe-trotteur de coup d'œil dans le rétro. Il voyage. Et donc, nous avons aussi chaque mois un invité. Et là, on est très heureux de l'avoir ce mois-ci. C'est Cédric Vernier de Motard à la Française. Bonjour, Cédric. Bonjour, merci. On est content que tu sois avec nous pendant une heure d'émission. On va parler de Motard à la Française avec toi, notamment. Qu'est-ce qu'il y aura aussi au sommaire de cette émission, Anaïk ? Alors au sommaire de l'émission, donc vous l'aurez compris, on va revenir un petit peu sur l'aventure donc Motard à la Française avec Cédric. Ouais. Comme à l'habitude, on va parler de déco avec la lampe champignon. Donc La lampe champignon. Ouais, mais je pense que vous voyez. En fait. Vous voyez ce que c'est, mais ouais. on en parlera tout à l'heure. Oui. Elle est pas comestible, non, malheureusement. C'est hallucinant. Aussi, elle est comestible, mais tu vas mettre un peu de temps, à mon avis. Et puis, Jack, justement, nous parlera aussi du Tour Auto 2016. Oui, exactement. Sur lequel il a eu la chance d'aller, quoi, de rouler et de voir de super paysages. Voilà. Super paysages, aussi dans un deuxième temps, d'une émission. Hein, voilà, une nouvelle émission Vintage Garage. Sur RMC. Sur RMC, voilà. Et puis, donc, on parlera de mode avec le retour du jean brodé, mesdames. Donc, c'est, oui, m'adresse aux femmes. Non, après, bon, chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Et donc, on parlera évidemment, pour finir, des sorties dans le coin. Voilà. C'est vrai, c'est pas mal, ça fait un beau programme. On est ensemble jusque 18h. Il est 17h03. Vous êtes à l'écoute de Fadjet. Alors, on va commencer tout de suite avec notre invité, donc Cédric Vernier, Motard à la Française. En quelques mots, on va dire que vous dessinez des vêtements, au look vintage pour les motards, mais aussi les amoureux de l'esprit motard, c'est cela ? Voilà, c'est ça, oui. Alors, tu es originaire d'où, Cédric ? Alors, je suis originaire de Saint-Dié, oui. Alors, né à Strasbourg, mais on va dire Vosgien, puisque j'ai quand même habité pendant plus de 16 ans sur Saint-Dié. D'accord. Passionné de mode et de moto vintage. Voilà, entre autres. Tu as déjà créé donc des sites web. C'était déjà à l'initiative de plusieurs sites web, c'est ça ? Voilà, donc dans mon métier d'origine qui est à la base l'assurance. Ouais. Et puis aussi dans la mode avec monsieurauguste.com. Où, là, j'ai plus trop le temps de m'en occuper, mais c'est essentiellement lifestyle, mode, sortie, nouveautés, etc. Alors, c'est important justement que tu sois là pour le préciser aussi, parce que c'est vrai que Jack en parle aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un blog lifestyle ? On parle des tendances, on parle de tout ce qui bouge en ce moment, la mode, tout ce qui est tendance. D'accord, tout ce qui est tendance. Alors, on parlait aussi de site web. Moi, j'avais vu aussi qu'il y avait le Corbeau et le Motard, oui. C'est ça, ouais. Voilà, le Corbeau et le Motard, c'est plus un esprit blog pour faire découvrir aux internautes mes découvertes, mes coups de cœur, aussi bien dans le milieu moto, mais pas seulement. D'accord. Après, faute de temps, l'idéal serait de monter une petite équipe éditoriale. Ouais, parce qu'en fait, tu fais plein de choses. Il y a aussi casque vintage aussi, Casquevintage.fr, où là, c'est essentiellement du casque, mais j'ai envie de le développer vers d'autres accessoires. Mais encore une fois, c'est pareil, je peux pas me dédoubler. Ouais. Et puis, l'activité principale, ça reste quand même Motard à la Française. Voilà. Qui tient à cœur, puisque là, c'est une création 100% voilà, de mon imagination. Donc, d'accord, voilà. Ok. Donc du coup, justement, si on parle de motard à la française, donc comment et quand en fait t'es venu l'idée en fait de créer cette marque? À la base, ayant changé de moto, j'ai roulé sur divers motos. Et puis la dernière en date, donc que j'ai toujours actuellement, c'est plutôt culture custom vintage. Et du coup, vraiment passionné par cet univers-là, je me suis dit, j'ai envie de faire partager aux autres ce que je découvre dans la rue, mais aussi sur le net. Et puis la grosse tendance en ce moment, c'est tous les blogs dans le milieu de la moto, etc. Donc du coup, j'avais envie de créer mon propre blog. Et puis, donc création d'une page Facebook, il fallait trouver un nom, Motard à la française, je crois que ça sonnait bien. Et puis voilà, rester vraiment dans l'esprit français. Et du coup, de là, je me suis dit, faut trouver un logo. Donc, il a bien fallu s'y mettre. Donc, j'ai appris l'infographie, entre guillemets. Je suis pas un pro, mais je me débrouille. Et puis, on y prend goût. Et puis, ils débrouillent très bien. On commence à dessiner soi-même ses modèles, etc. Et puis de là, donc du coup, le blog s'est un peu transformé en une vraie marque. Parce que du coup, des copains m'ont dit, ton logo est sympa, tu devrais en faire un t-shirt. Donc j'ai profité d'une réunion sur Paris quand j'étais encore dans les assurances pour démarcher un fabricant dans le sentier. Et puis l'aventure a commencé là, en fait. D'accord, donc l'aventure a commencé avec un t-shirt. Avec un t-shirt. Et d'ailleurs, ce t-shirt que je porte, un des t-shirts que je porte aujourd'hui, on fera des petites photos aussi tout à l'heure, parce qu'on a fait une vidéo aussi sur la page de l'émission. Des jolis t-shirts. Alors, c'est toujours, de toute façon, ça, c'est le logo principal. C'est pas le logo d'origine de la marque. Non, d'accord. Ça, c'est la dernière création que j'ai fait un dimanche de Pâques chez ma maman sur mon ordi après un repas de famille. Donc, pour nos auditeurs, c'est un. Il est parti comme ça. Un hipster, un peu, avec un. Ouais, c'est la tendance. Le casque jet, un coq, le coq pour le côté français, ouais, exactement. Tout est français à chaque fois, alors les t-shirts viennent de Belgique, c'est du coton bio, c'est un choix de faire ces produits là en plus je sais qu'ils ont une bonne tenue au lavage et dans le temps, en plus ils ont des coupes plutôt ajustées, donc des coupes mode. Et après, par contre, tout ce qui est sérigraphie, broderie, c'est fait dans les Vosges, en Lorraine. Enfin, une partie près de Nancy et une autre partie à la Bresse, dans les Vosges. Et alors, du coup, hommes, femmes, enfants ? Alors, hommes, femmes, et puis là, je commence à développer un petit peu l'enfant. Donc, il y a deux modèles de suite pour enfants. D'accord. Et donc, pour l'instant, c'est que sur le net, au final. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de... Non, aujourd'hui, il y a le shop en ligne, c'était la base. Maintenant, il y a une boutique qui s'appelle The Lucky Vulture sur Biarritz, qui est vraiment dans la tendance moto, vintage, qui revend ma marque. Donc, c'est mon premier distributeur en France. Il y a également, pour les bijoux, la boutique Isea dans le centre commercial de Leclerc à Saint-Dié, qui est une boutique, entre guillemets, Zarowski, où on retrouve le bracelet également. Et puis, il y a une boutique près d'Agneau, c'est un préparateur moto qui vend aussi de la moto vraiment vintage, qui va rentrer quelques t-shirts en boutique. Voilà. Pour préciser, effectivement, moi j'adore le bracelet, qui est une. Alors je suis un mécano, hein. une clé à pipe. C'est une clé plate. Une clé plate. Et donc, qu'on met autour du poignet. Donc, je trouve ça très original. Du poignet, voilà. Ouais. Donc ça, c'est fait pareil dans les Vosges. C'est de l'argent, c'est en argent massif. Et c'est une création vraiment motard la française. On est sur de la 12 ou de la 13 là? Là, on est sur du 6. J'avais vraiment mesuré, en fait. C'est du 6. C'est du 6. Bon, alors justement, Cédric, on va écouter une petite musique, faire une petite pause musicale, une première. Et alors, Anaï, qu'est-ce qu'on va écouter justement, hein? Alors, j'avais pensé en fait à vous faire découvrir un groupe. Oui. Le groupe, ça s'appelle Postmodern Jukebox. Et puis, vous me direz après, en fait, quelle est la musique originelle. Voilà, tout à fait. C'est ça. Et donc, on va s'écouter un petit titre. On retrouvera Cédric dans la deuxième partie de l'émission. On a encore pas mal de choses à lui poser comme question. Des premiers, on se rend compte que c'est Madonna, hein, tout de même. Allez, il est 17h09. On est ensemble pour une petite heure, les amis. Prenez le temps, c'est le début du week-end. I hear you call my name and it feels like home. Midnight hour, I can feel your power, just to like a child. You whisper softly to me, you're in control just like a child. Compris, Like a Prayer, Vintage Swing Madonna sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors on a discuté un petit peu hors antenne, effectivement. Donc on a un auditeur, Jack, qui nous écoute depuis l'Angleterre. Eh oui, on a un auditeur qui nous écoute d'Angleterre. Eh bien super, on lui passe un petit coucou. Alors il comprend le français ? Oui, il est français, c'est un expatrié. Ah, et bien. Oui, c'est notre cadeau à l'Angleterre. D'accord, il a un petit prénom ? C'est Pierre. Ah, bien, Pierre, on te fait un coucou. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre, on fait un petit coucou à tous nos auditeurs. N'hésitez pas aussi à nous faire. Liker la page, comme ça on saura que vous nous écoutez, venez. Tout simplement. Venez liker. Et donc je pense peut-être à ceux qui ont aimé la petite vidéo qu'on a faite. À aussi nos auditrices infirmières. Oui, je les embrasse. Oui, elles m'écoutent, mes collègues. Elles t'écoutent aussi, voilà. Je leur fais un bisou et puis je leur souhaite bon courage. Bon, bah voilà. Donc n'hésitez pas à aller nous faire un petit coucou sur la page de l'émission. Alors tout à l'heure on parlait déco, donc voilà, on va parler un petit peu de la lampe champignon et de son petit nom Nesso. Nesso, ouais. Et non, à ne pas confondre avec avec Georges Clooney et puis ses cafés, oui. Ça n'a non. rien à voir. On a tous vu dans les films des années 70 cette fameuse lampe en forme de champignon orange, hein, souvent elle était de cette couleur-là, très très 70s. Alors, elle a même trôné sur la table de Roger Sterling. Oui, c'était le héros en fait de la série Mad Men. Je ne sais pas si voilà vous connaissez. Si vous connaissez. Notamment dans la saison 4 en fait. Ouais. Effectivement, c'est une lampe qui a été dessinée en 1965 par le designer Giancarlo Mattioli. C'est souvent des Italiens quand même, les designers. Ils sont pas mal les Italiens quand même en font création. Des belles choses, hein, en termes de voitures aussi. Et Jack nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. C'est une lampe emblématique des années 70, reconnaissable par sa forme de champignon et ses couleurs très 70s, mais l'histoire dit aussi que son abat-jour voluptueux et aérien serait inspiré du nombril d'une jolie femme. Hein. Toutes les belles choses sont inspirées de femmes. Sa lampe serait baptisée Nesso, qui en italien signifie le lien ou le cordon. Édité par Artemide, une entreprise italienne spécialisée dans les luminaires. Elle a su traverser les années et s'intègre encore aujourd'hui dans tous les intérieurs. Caractéristiques de la lampe, donc la base et le diffuseur de la lampe en fait sont en résine ABS et c'était réalisé en fait par injection dans des moules en chrome. Voilà, donc c'était quand même assez novateur à l'époque. Et en fait, la conception de la lampe donc évite à la lumière de l'ampoule en fait d'agresser directement l'œil. Donc ça fait une lumière un petit peu douce en fait avec une lueur uniforme. Donc c'est pas mal. D'accord, donc il y a aussi bien sûr des avantages à cette petite lampe, cette lampe-là. C'est notamment que ça assure une lumière chaleureuse, hein, c'est ça. Ouais. C'est quand même un design qui est super sympa, c'est une lampe originale, avec sa forme tout en rondeur, et elle apporte aussi à l'intérieur une touche design et colorée. Hein. Et donc elle est disponible en plusieurs couleurs. Oui, alors on a du le orange quand même qui est assez connu, elle est disponible en blanc à un prix bon. Un petit point négatif, c'est le prix. Alors oui, vous pouvez la trouver donc effectivement aux alentours de 290 €. Enfin voilà, à l'époque oui, c'était pas en euros, mais ça se vendait à peu près à ce prix-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui elle est un petit peu plus chère. Et il y a eu par contre en plus la petite sœur qui a été créée, la lampe Nessino qui est une lampe blanche. Et l'édition a été revisitée de la lampe, c'est une édition revisitée de la lampe Nesso. Et en 2003, Mathiolet a créé une petite version, donc la Nessino, d'un diamètre de 32 cm. Elle est disponible en bleu translucide, en orange, gris, rouge et jaune. Un peu moins cher. Un peu moins cher. Ça reste quand même élevé, 120 €. Alors contrairement à la lampe Nesso, qui laissait pas apparaître les ampoules électriques, la petite Nessino, elle laisse voir les quatre ampoules. Oui, c'est un petit peu la différence, quoi. Alors Anaïk, où peut-on trouver ces lampes? Alors moi j'ai un peu cherché, donc il faut savoir que les lampes originales donc de l'époque peuvent se trouver en vente sur le Bon Coin, donc je me suis dit tiens je vais regarder, mais il y avait trois annonces, trois propositions. Et à l'inverse effectivement de ce qui se passe habituellement quand on trouve sur le Bon Coin, c'est plus cher que le prix normal. Ouais, les prix s'enflamment quoi, il faut compter aux alentours de 500 € pour une lampe, une vraie lampe de l'époque. Par contre vous pouvez en trouver effectivement en réédition sur des sites de vente tels que voltex.fr ou alors La Redoute, où là les prix sont plus aux alentours de 150-190 €, donc ça reste cher encore. C'est une véritable pièce de déco 70s, donc voilà, si par bonheur vous avez quelqu'un dans votre famille qui en possède une, surtout ne vous en séparez pas quoi. C'est vrai que c'est quand même plutôt sympa. Alors bon, on essaiera d'en chercher quand même et peut-être de vous donner aussi des infos où on peut en trouver le moins cher possible. Mais effectivement il y a un petit coût aussi à la déco, c'est aussi avant tout se faire plaisir. Et donc là c'était notre coup de cœur de ce mois-ci, notre coup de cœur déco. Alors on va faire une deuxième pause musicale, n'est-ce pas? Et on va écouter un titre de Janis Joplin, Piece of My Heart, pour tous ceux qui connaissent. Ça a été repris dans de nombreuses pubs, effectivement. Un titre qu'on affectionne ici à Fadjet. Et bien voilà, vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro, les amis. Il est 17h17. On aime bien être avec vous pour tout vous dire. Come on, come on. Janis Joplin, Piece of My Heart. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Effectivement, Janis Joplin, un titre de 1968, mais d'abord interprété par la chanteuse Hermann Franklin en 1967. Alors on poursuit cette émission, il fait son grand retour hein, cette semaine dans l'émission. Le retour de Jack. Et donc Jack a encore bien sûr parcouru hein, le monde, non. Pour l'instant l'Europe, non? Non, bah, la France suffira. Ou un petit peu quand même, hein, tu changes de pays parfois. Oui, ça m'arrive, attends, tout à fait, mais depuis la dernière émission, il n'y a pas un petit tour en Allemagne vite fait, mais non, j'étais surtout sur le Tour de France. Il était sur le Tour de France, le Tour Auto 2016. Alors comme à son habitude, Jack va nous donner trois chiffres pour illustrer cet événement, 2000, 299 et 1. Voilà, effectivement, comme à chaque mois, j'essaie de résumer la chronique en trois chiffres. Donc 2000, c'est le nombre de kilomètres avalés par les concurrents sur les plus belles routes de France. 2000 kilomètres de petites départementales de col. C'est ce que tu as fait, toi ? Non, j'en ai fait un peu plus. T'en as fait plus, toi ? Oui, d'accord. Un petit peu, ouais. 299, parce que c'est le nombre d'engagés pour ce 25e tour auto. Il y avait 299 équipages. Donc avec de tout, évidemment, là, je vous laisse imaginer ce que... Sacrée organisation quand même. C'est une énorme caravane, hein, c'est une grosse organisation, hein, c'est huilé, c'est vraiment quelque chose d'irréprochable. Alors cette fois-ci, c'est un petit, le chiffre 1. Oui, 1, parce que j'ai quand même réussi à prendre un kilo. Ouais. La dernière fois, à Stuttgart, c'était un peu plus, non? Non, mais c'était le nombre de kilos de saucisses, je sais plus, un truc comme voilà, ça. C'est ça. Découlé, ouais. Non, parce que bah, effectivement, quand on est en France, il y a quand même une certaine. On fait attention à la gastronomie. Voilà, on fait attention à la gastronomie. Oui. Et le Tour Auto, c'est aussi éventuellement le Tour de France de la gastronomie. Ah, d'accord. Voilà. Mais tu manges des bonnes choses. On mange de très bonnes choses. Tout à fait. D'accord. Donc c'est le nombre de kilos que tu as pris pendant toute cette semaine. Les repas étaient de qualité. Voilà. Alors explique-nous où cette course vous a emmené. Alors cette course emmène les concurrents de Paris à Cannes en quatre étapes. Donc la première étape c'était Paris-Beaune, ensuite Beaune-Lyon, Lyon-Valence et Valence-Marseille. Tout ça pour se terminer donc à Cannes. D'accord. Chaque jour, plusieurs spéciales sont en programme ainsi qu'une session circuit, sauf sur l'étape de Lyon-Valence. Nous avons fait donc les plus beaux circuits de France. Les véhicules éligibles sont d'avant 1972 en globalité. Il y a quelques exceptions. On a ainsi assisté à de belles batailles entre Ferrari, Jaguar et autres, assez Cobra. Quand tu dis voitures du monde. Les véhicules éligibles, c'est-à-dire que si tu ne rentres pas dans cette catégorie-là, t'es François, refusé. Avec ta Renault 9 GTL, tu ne peux pas faire le tour auto. J'ai préparé, quoi. Je lui ai mis plus de 18. Non. Tu peux pas. Non. Mince. Tu peux pas. Non, Anaïk, avec ton Modus, tu ne peux pas faire le tour auto. Non, choisi le meilleur. Non. Bon, dommage. Désolé. Et même en trois roues, en scooter, pas possible. Bon, okay. Impossible. Bon, tant pis, j'achèterai une Jaguar quand je serai mort. Les repas du midi étaient servis dans des abbayes ou des châteaux, donc des lieux magnifiques. Chaque jour, c'était une surprise. C'était vraiment se demander dans quoi on allait atterrir. Effectivement, on n'était jamais déçus. Les repas étaient préparés par de grands chefs. Donc qualité, quantité, il n'y avait absolument aucun reproche à faire sur l'organisation, je l'ai déjà dit. Vous arrivez à reprendre la route après avoir mangé on ne buvait pas le midi parce qu'il fallait prendre la route. Le lendemain matin, effectivement, les nuits étaient courtes puisque le soir j'avais des photos à traiter et tout, donc je me couchais pas avant 1h30. C'est physique quand même. Franchement, une semaine c'est suffisant. C'est suffisant. Pour le corps, hein. Moi je suis sûr qu'on n'a pas envie de rentrer, mais c'est assez fatigant. Voilà. Donc du coup, un splendide dîner tous les soirs, tous les soirs, plus dîner, de 1000 personnes. Voilà, 1000 personnes, hein, parce que donc le dîner, on arrive donc sur un parc fermé avec divers partenaires, donc il y avait de quoi se rafraîchir, champagne, bière, il y avait quelques fabricants de vêtements comme Alain Figaret, il y avait les montres Zénith, ainsi de suite. Donc le temps que tout le monde arrive, reprenne un peu ses esprits. Ensuite, il y avait un grand dîner qui était organisé par un grand chef à chaque fois, hein, parce que à chaque fois vraiment la gastronomie est mise en avant sur les étapes. Donc en gros, vous étiez accueillis super bien partout où vous alliez. Ah oui, oui, on était accueillis par les municipalités. Oui, oui, vraiment. Voilà. L'accueil était exceptionnel dans toutes les villes qu'on a traversées, dans tous les villages. Hein. C'était un concours de d'animation pour nous accueillir. C'est vrai qu'il y a, je pense à Tournus par exemple où on est arrivé. J'avais l'impression qu'on avait gagné la Coupe du Monde. C'est vrai. Et vous êtes arrivé où justement? Voilà. Donc à Cannes sur la Croisette. Alors voilà, ça s'est terminé à Cannes. Donc l'arrivée sur la Croisette, près du palais du festival. D'accord. Et oui, c'était pas un film. Ouais. Effectivement. Et tout ça s'est terminé donc le samedi soir après deux étapes de nuit. Et le dimanche matin, on s'est quitté après un brunch sur la plage du Majestic. Oh, ça fait rêver quand même. Ça fait rêver. Rappelle-moi très rapidement rouge, hein. les plus belles voitures qu'il y avait. Ah, les plus belles voitures, c'était les Ferrari 250 GT, les ouais. 275 GT. Il y avait. Ligier. Oui, JS2, effectivement. Il y avait, enfin, il y avait vraiment de tout. Hein, de la Jaguar. De la Jaguar, de la type. Encore un bon moment, mon salaud. Ouais, non, c'est. Non, vraiment, non, c'était pas terrible. Non, franchement, non, non. Et puis moi, j'ai eu la chance d'être accueilli par une équipe formidable donc, qui m'a permis de couvrir cet événement. Et donc, moi, j'ai eu une semaine de rêve. Voilà. Prochaine date? Prochaine date, ben il y aura une petite surprise. On parlera un petit peu de vidéo la prochaine ouais. fois. Mais puis, sur des tours auto encore ou pas ou c'est il y a une saison particulière pour les tours auto comme ça ou ah bah le tour auto c'est un événement qui oui. a lieu tous les ans au mois d'avril. Ouais. Moi le prochain truc, ça risque d'être le Mans Classique au mois de juillet. C'est ça. Mais il y a pas mal de j'ai pas mal de choses en tuyau à vous proposer. Bon voilà. Bah c'est parfait, dis donc. La surprise. Eh ben on est bien content que tu passes de bons moments en dehors de notre compagnie. Ah oui, j'aimerais bien vous amener, mais bon. Hein, voilà, bah, tu peux pas à chaque fois. Alors on va écouter d'ailleurs un titre peut-être qui reflète ton voyage. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sous ton envie à toi. C'est Depeche Mode. Oui, Depeche Mode, Enjoy the Silence. C'est un titre qui est sorti en 1989 sur l'album Violator. Violator. Anaïk, si on fait une petite parenthèse, à partir de quel moment on peut utiliser le mot vintage? Qu'est-ce qui est dans le domaine du vintage? Ça prend, c'est quoi? C'est une trentaine d'années, vingtaine d'années? Alors normalement, oui. Au plus tard, donc normalement, quand on dit vintage, c'est dans les années 80 ou 30 ans en arrière par rapport à tout de suite maintenant. Donc Depeche Mode et vintage. Voilà, okay. Exactement. Eh bien, on va s'écouter Enjoy the Silence. Enjoy the Silence. Depeche Mode. Et c'est Jack qui nous le propose. Eh oui. Dépêche Mode, Enjoy the Silence. Alors, vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro. On est ensemble jusque 18h. Il nous reste une petite demi-heure. On est avec notre invité du jour, Cédric Vernier, pour Motard à la Française, qui est une marque aussi, en plus d'être française, une marque bien chez nous, lorraine, vosgienne même, si on en détaille un peu plus. Alors, on disait tout à l'heure, justement, Cédric, dessiner des vêtements ou look vintage pour les motards et les amoureux de l'esprit motard, mais pas que. C'est des accessoires. Alors, ces accessoires comme les bijoux, les casquettes également. Ouais. Il y a toute une collection de stickers parce que les gens aiment bien personnaliser leur moto ou leur casque. On a des badges aussi. Enfin voilà. Vous allez vous encore agrandir plus ou moins les produits ou les rester... produits. Oui, ouais. Oui. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'y vais par étapes parce que je maîtrise pas tout et encore une fois, c'est pas mon métier à la base, donc je l'apprends. Et par la suite, j'aimerais bien travailler le cuir, faire une collection de vestes en cuir qui soient aussi bien habillées à la ville comme à moto. Et d'ailleurs, donc, tu es revendeur aussi de pièces d'occasion, de vêtements d'occasion. Non, je suis revendeur pour des marques de casques, comme les casques Bell, qui sont assez connus dans le milieu, mais pas que. Tout ce qui est visière pour moto, masque de protection, voilà. Donc, Et moi, je me demandais, quand tu dis moto vintage, en fait, on parle de... Quel genre de moto, en fait, ça m'intrigue. Oui, parce que nous, on n'est pas motard, parce que toi, tu es motard aussi. Moi, je suis motard, oui, oui. Donc, par exemple, toi, tu en possèdes une. Moi, j'en possède une, ouais. Ouais, voilà, c'est quoi alors Moi, c'est une base, de Suzuki Savage. C'est un 650 monocylindre. Quand tu dis une base, parce qu'elle a été remodifiée. Voilà, elle a été modifiée. Alors nous, la tendance c'est plutôt à dépouiller, c'est enlever tout ce qui sert pas, D'accord. donner un look très épuré, un petit peu old school. Donc moi, pour ma part, j'ai des pneus à flanc blanc qui rappellent bien le côté un peu vintage. Elle est noire, c'est plutôt du dépouillage, hein, nous, sur nos motos. D'accord. Ce qu'on veut, nous, c'est une moto un peu unique, qui nous ressemble. Ouais. On n'a pas envie d'avoir la moto de monsieur tout le monde. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce créneau. C'est marrant parce qu'on ne fait pas du tout ça en voiture. Si on parle des voitures un peu qui se misaient voler plus ils vont en rajouter des caisses, hein. Ouais, c'est vrai. Et puis là, la moto, en fait, on se la réapproprie, mais en la purifiant un peu, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, en enlevant tout ce qui sert à rien dessus. Et donc du coup, oui, alors ça fait beaucoup de choses. On parlait aussi tout à l'heure des distributeurs concernant ta marque. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose que je souhaite développer. Voilà. Pour pérenniser la marque, donc il y a la vente en ligne, mais il y a encore des gens qui sont attachés à vouloir acheter en magasin, puis pour essayer de toucher le produit, ce qui est important. Ça. Moi, je sais que j'aime bien aller en magasin et toucher, essayer, ne serait-ce que pour voir la coupe, si ça tombe bien, etc. Donc aujourd'hui, on recherche des distributeurs, effectivement, sur toute la France. Sur un commerce plus classique, on va pouvoir aller directement en magasin, essayer, en boutique. Donc après, il y a déjà des choses en préparation, mais effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir développer un maximum les points de vente. Et si on pousse un petit peu plus loin, donc après, créer d'autres concepts, des événements autour de ça? Alors l'idée, oui, effectivement, mercredi prochain à Saint-Dié, chez le coiffeur barbier Watson, on fait une vente privée, donc on réunit l'univers du coiffeur barbier, le milieu de la bécane avec ma marque, il y a des clients qui vont venir en moto, et puis il y a un de mes amis qui est caviste à Saint-Dié, qui s'appelle la cave de la Peach, qui a réussi à être sponsorisé par les rhums JM, donc du coup on est sponsorisé, on va avoir toute une gamme de rhums qu'on va pouvoir faire déguster à nos clients. Donc voilà, c'est une soirée partage, d'échange au milieu de la bécane, mais pas que, toutes les choses qu'on aime, le rhum, la bonne bouffe. C'est ça, on se réunit tous autour de ce qui nous plaît. Bon, écoute, c'est plutôt pas mal. Alors, en ce qui concerne les infos sur Motard à la Française, on peut aller où précisément pour se renseigner? Alors, déjà sur les réseaux sociaux, effectivement. Alors, la page Facebook, on peut liker pour suivre l'actualité de la marque, puisque je publie régulièrement, quasiment une fois par jour. Il y a le compte Instagram Motard à la Française, et puis il y a le site en ligne, www.motardalafrançaise.fr. où on peut voir toute la collection. Et acheter directement. Le site est en ligne. Après, les gens qui me connaissent ou qui sont de passage dans le coin, ils peuvent me contacter via Facebook, ils passent à la maison, on boit un café, on boit une bière selon l'heure. Ils essayent, ils repartent avec quelque chose ou pas. Enfin voilà, c'est convivial. C'est sympa. Voilà. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, on est très contents que tu sois avec nous aujourd'hui pour parler de ça, parce qu'à chaque fois, sur les jeunes créateurs, j'ai cette impression-là, les jeunes entrepreneurs, il y a déjà un côté très passionnel de ce qu'on fait, et en plus, une vraie ouverture sur les autres, rencontre, un partage, et c'est ça qui est intéressant. Ici à Fadiette, on reçoit beaucoup, justement, on met l'accent sur les jeunes entrepreneurs, et il n'y a pas, bien sûr, on doit vivre hein, de ce qu'on fait, il y a toujours une dimension d'argent, on a besoin de vivre de ça aussi, mais il y a aussi toute une notion de partage, de passion, de monde de passionnés, en l'occurrence, c'est un monde de passionnés, je pense aussi les motards, et puis de réunir des tas de gens ensemble autour d'une même passion, c'est un peu ça, donc c'est vraiment un truc qui marque vraiment, je trouve, les jeunes créateurs aujourd'hui, quoi, si on peut le dire ainsi. Oui, c'est vrai. Et puis bon, Fadjet est aussi là pour ça, parce que c'est quand même l'endroit aussi où on se rencontre. Donc c'est plutôt. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Donc on redonnera un petit peu toutes les infos en fin d'émission. On va s'écouter un titre. Et ce titre, ça va être encore je ne sais plus, à chaque fois, j'ai du mal avec ce nom. Ben oui, Postmodern Jukebox. Mais ce coup-ci, c'est Umbrella, pour ceux qui connaissent. C'est une reprise. Postmoderne, c'est un groupe de 2007-2008, je crois. Non, je crois pas. Je crois que c'est 2014. 2014, ouais, très récent. C'est un jeune groupe. Très récent. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Très récent, américain, qui fait plein de reprises, type années 30, années 40. Allez, on a l'écoute d'un coup d'œil. Vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro et on est ensemble encore pour une petite vingtaine de minutes. When the sun shines, we shine together. You know I'll be here forever. Said I'll always be a friend. Took an oath and I'm sticking out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war was took his part, when the world has dealt its cards, if the hand is at its heart, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we shine together. You know I'd be here forever. Said I'll always be a friend. Choking up and I'm sticking out to the end. Now that it's raining more than ever, each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Oh, under my umbrella. You can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come j'étais pris de court, c'était Umbrella Vintage Singing sur Fadjet. Allez, les 17h40, les amis, on est content d'être avec vous aujourd'hui pour un coup d'œil dans le rétro. La prochaine émission sera le 17 juin, je crois, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et il nous en reste deux avant la fin de saison, hein, dite régulière. Donc on en fait une en mois de juillet et une au mois d'août. Et ben malheureusement, on arrête, on ferme la radio, on ferme les rideaux, terminé. Ciao l'artiste. C'est terminé. Alors on va continuer eh bien cette émission chaque mois, effectivement. On fait un tour du côté des artistes, de notre invité, bien sûr, de la déco, mais aussi de la mode. Et là, c'est en particulier une mode dite féminine, le retour du jean brodé. N'est-ce pas, Anaïk? Voilà. Bon, bah voilà. Tout à fait. Et nous, mais quoi? On mettra quoi? Un jean bootcut? Bah, je sais pas. Bon. Je verrai ça pour la prochaine fois. D'accord. Voilà. Alors, c'est un jean un peu kitsch, c'est ça? Oui, alors évidemment, le jean brodé, bah, tout à l'heure, on écoutait Janis Joplin, donc c'est vrai que ça me faisait penser un petit peu à elle. Je ne sais pas si vous vous souvenez évidemment du jean kitsch avec les écussons qu'on avait un petit peu, soit en forme de fleurs, de chiffres, de lettres, ou autres burgers ici et là. En fait, moi j'avais ça quand j'étais en école primaire, des fois, où, quand je tombais, où je faisais un trou au niveau du genou, bien et sûr. Puis que ma mère, elle me disait on rafistolait, c'est avec des pièces comme ça. Là. Des patchs. Ouais. C'est ça. Des patchs à coudre. Mais c'est vrai qu'on n'était pas trop fiers quand même. Hein, ça. On n'était pas trop fiers, mais figurez-vous. Donc aujourd'hui, on le pensait un peu has-been et un peu démodé, ce jean. Et en fin de compte, le jean brodé, il fait son retour en fait pour la saison printemps-été, mesdames. Donc utilisé au départ comme vêtement de travail, le jean en fait était utilisé par les fermiers, les mineurs ou les travailleurs américains. Le jean a une vraie success story, donc qu'on lui connaît bien aujourd'hui. Il a été adopté par les hippies dans les années 60. Ouais. Hein, donc, donc ça me faisait penser à la chanteuse qu'on a écoutée tout à l'heure. Janis Joplin. Voilà, et donc c'est un peu en partie au début de ce mouvement en fait que l'on doit aujourd'hui la majorité en fait des customisations de nos pantalons en denim. Alors denim, c'est quoi ? C'est du jean, mais c'est pas du jean quoi. C'est un peu. Le jean, c'est la toile qui venait de Nîmes. C'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça du denim. Ah, ok. Voilà. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est bien. Très important d'intervenir. Hein. Parce que justement, moi, j'ai cru que c'était simplement une copie du jean, absolument pas. Donc, du coup, le denim, c'est utilisé pour le jean. Alors, avec ce genre de détails, il est plutôt conseillé d'adopter quel type de jean ? Alors, moi, je vous conseillerais plutôt d'adopter un jean, on en a déjà parlé dans Coup d'œil dans le rétro, un jean un peu flair. Qu'est-ce donc ? Si vous vous souvenez bien, si vous m'avez bien écouté, c'est pas le jean Pat Def. Non. Ça y ressemble, en fait, c'est un jean un petit peu dans le même signe, mais en taille haute, en fait. Ah, d'accord, un jean qu'on monte un petit peu sous les aisselles, mais pas les hommes. Attention, pas les hommes. Ne faites pas ça. Donc, je vous conseille de mettre un jean flair, donc plutôt qu'un slim. Hein. Donc, c'est ce que, on garde un petit peu comme ça, une touche rétro. Et puis, le jean flair s'accorde un petit peu mieux avec les broderies. Donc, comme conseil, je vous dirais plus de rester assez neutre en l'harmonisant avec des pièces un peu classiques en fait, qui marchent souvent bien, comme un haut blanc ou une veste en cuir noir. Parce qu'il ne faut pas que ça fasse non plus carnaval, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, parce qu'après, s'il y en a partout, tout le monde a une guirlande ambulante. Donc, oui, ça peut être joli, mais bon. Ça peut être joli, mais qu'une partie de l'année, quoi. Donc, on parle du jean, évidemment, mais les broderies, on peut les retrouver aussi sur les shirts en jean, les chemises en jean, les vestes en jean. Voilà, c'est un peu la mode et la tendance printemps-été de cette année. On peut en trouver un petit peu partout dans les grandes enseignes. Que tout le monde connaît. Ouais. Après, vous pouvez aussi le faire vous-même pour avoir une pièce unique. Donc, vous pouvez prendre des broderies un peu fleuries ou des motifs aussi aztèques, donc qui sont pas mal à la mode, que vous pouvez mettre sur le bas ou sur l'intégralité de votre jean. Voilà. Et alors, moi, je peux le faire aussi ou pas ? Ah, toi, tu peux le faire. Tu peux mettre, des écussons sur une veste en jean pour un homme. Ça peut être. François sur mon site. Voilà. Oui, il y a des magnifiques patchs motard la française. Ah, on va en faire un. Je te ramènerai un. Bon, génial. Parce que sinon, j'allais me péter celui de la station de ski de la Bresse que j'ai. Sinon, tu vois, ça aurait été moins joli, quoi. Hein. Ça reste vosgien. Nous, on vote pour. Hein. Reste vosgien. Bon, écoute, alors où en trouver, Annick ? Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, dans les grandes enseignes, sur motard à la française. Et sur motard, à la française. Écoute, c'est bien de le préciser. Alors, c'est avec le logo que j'ai sur le t-shirt ou c'est. Plutôt le logo principal de la marque. Ah, d'accord. On trouve sur la page Facebook. Et alors, mais, ça va évoluer, un peu sur les bombers aussi, un peu. C'est des fois sur les. Oui, c'est vrai. Sur les bombers. Sur les blousons noirs. Surtout dans le milieu moto, c'est de coudre ça sur la veste en jean ou le cuir quand tu roules. Oui, c'est ça. Et on met aussi son appartenance. Exactement. Voilà. Au club. Club actuellement, au les gang. Custom Brothers. C'est quoi ton club ? C'est les Custom, Brothers. D'accord. On est basé à Saint-Dié et on est une dizaine de membres. Ah, c'est bien ça. Bon, écoutez, merci. On apprend dans cette émission, c'est incroyable. Oh là là, je resterai toute la nuit. Allez, on va s'écouter un titre pour faire une petite pause musicale. Ça sera la dernière de cette émission. Bon, c'est toujours un petit gars qui me tient à cœur. Vous connaissez ? Oh, c'est le bon vieux Gainsbourg avec l'ami Caouette. Allez, on est encore ensemble pour un petit quart d'heure. Hein. On est avec Motard à la française. C'est Cédric qui est là avec nous aujourd'hui. La petite ramelle m'est infidèle. Caramel. Monsieur Hannibal me mine le moral. Caliban. Mamselle son long me traite de con. La Caouette me fait la tête. Caouette. Mamselle Gibi traite d'abruti. La Mikuchu me jette des cailloux. Kaoutou. Mamselle Binet, c'est de Binet. Kabinet. Le petit Mambert me jette des pierres. Kamambert. Mamselle Lamarde, moi en a marre. La Caouette me fait la tête. Cacahuète. Mamselle Ramba veut plus que je la voie. Cacahuète. Monsieur Nasson me donne du bâton. Mamselle Nasucre me traite de trou du cul. Serge Gainsbourg, l'ami Caouette sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. En modulation de fréquence, hein, ne le faites pas ça parce qu'effectivement ça ne marchera pas. Allez, il est 17h49 minutes, les amis, précisément. Alors, c'est pas cette heure-ci, hein, on s'en fout finalement de l'heure, hein, c'est pas grave. Mais c'est simplement le moment de retrouver notre Jack, parce qu'il va nous parler d'une émission qui lui tient à cœur. Alors, c'est quelle émission, Jack ? C'est sur RMC, si je ne m'abuse. Exactement, voilà, c'est une émission qui a débuté mercredi. Ouais. Ça s'appelle Vintage Garage, au cas à tout prix. Elle est présentée par François Alain. Et cette émission nous parle de voitures anciennes, donc ce qui nous plaît complètement. Donc le principe, François achète une voiture, il demande c'est à... pas moi, hein. Non, un autre François. Il y a plusieurs François d'accord. sur Terre. Bon, écoutez. Hein. Si, je te jure. Il y a eu le premier. Non, on a quand même la palme. Hein, ici. Oui, on a la palme. Hein. Voilà. Donc un autre François qui n'est pas moustachu, François Alain, achète une voiture, il demande à des spécialistes de la restauration de la restaurer, donc il y a une petite séquence où les spécialistes regardent de loin la voiture. Ils doivent se décider s'ils font ou pas la restauration. Ensuite, vient le temps de la restauration. Donc, il y a un temps donné et un budget surtout à respecter. Ensuite, avec une petite séquence avec une célébrité, il parle du modèle. Donc là, mercredi, on a vu Paul Belmondo, par exemple. Mm-hmm. On a vu Christophe Lambert. Et ensuite vient le temps de la vente quand la restauration est terminée. Donc on voit la restauration en pas à pas et compagnie. Et le moment de la vente, donc si François arrive à vendre la voiture au prix qu'il s'est fixé. Et voilà. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment un format complètement nouveau, puisque ça reprend quand même, ça prend vraiment des ficelles sur la restauration, sur l'achat des voitures. Ouais. Voilà, c'est beaucoup de conseils. François Alain est quelqu'un qui est du métier. C'est d'accord. vraiment un spécialiste automobile. Il collabore notamment avec Dominique Chapat dans Turbo pour tout ce qui est voiture ancienne. Et vraiment, c'est un format qu'on attendait un petit peu, un format français, une émission française. Et moi, j'ai vraiment aimé. Il y a quelques petites ficelles liées à la télévision, à la production, qui étaient parfois un peu grosses. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que c'était comme une émission vraiment bien faite. François, c'est vraiment la personne pour présenter cette émission. Ce programme, ouais. Les spécialistes, c'était des garagistes, des spécialistes de la restauration. C'est des gens qui sont connus et reconnus dans leur métier. Il y a eu un invité comme par exemple Gérard Velter qui est le père de la 205, donc c'est quand même énorme d'avoir le père de la Peugeot 205 ouais, sur l'émission. Donc, qu'il était encore en vie au niveau caution, ouais, c'était vraiment formidable. Le choix des voitures aussi, je trouvais que c'était vraiment formidable. Une Jaguar, une magnifique Jaguar et une 205 GTI, la 205 GTI populaire. Ouais. Voilà, j'ai juste trouver un petit bémol. Ouais, juste j'aurais mis l'émission avec la 205 au départ, ouais. Parce que les gens se sont un petit peu lâchés sur les réseaux sociaux en disant oh, ça fait c'est une émission de bobo, ouais, et compagnie, Jaguar machin, et c'était pas du tout le choix, voilà, c'était pas fait pour ça, voilà. Non, c'était simplement parce que c'est une très jolie voiture et c'était important de montrer la restauration sur ce genre de véhicule. Effectivement, il y aura de tout, hein, de la voiture populaire, de la voiture moins populaire. C'est pour ça qu'ensuite, il y a eu la 205 GTI et Gérard Velter qui est venu parler de cette voiture. Voilà, moi j'ai vraiment aimé cette émission, j'ai hâte est-ce de qu'elle voir est les prochains. Accessible à monsieur et madame tout le monde. Exactement, voilà, c'est ça, c'est que elle est, c'est très pédagogique, il y a des infographies, il y a vraiment, voilà, le but c'est que tout le monde puisse comprendre que ce ne soit pas seulement un programme pour des connaisseurs, pour des, voilà, c'est ça. Et donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un peu reproché ce côté-là, mais il faut que tout le monde puisse aborder le véhicule ancien et comprendre bien ce qui se passe au niveau de la mécanique et compagnie. On a, voilà. Bon, bah, c'était ton coup de cœur sur RMC Vintage Garage. Donc Vintage, c'est tous les mercredis à 20h50 sur la chaîne 24. La chaîne 24 RMC, voilà. Oui, faut pas les oublier, ces chaînes, les trois chaînes qui sont arrivées un peu plus sur le tard, là, à la fin, dont RMC fait partie. Le prochain épisode, on parlera de Coccinelle notamment. Ah d'accord, ok. Donc rendez-vous mercredi prochain, c'est ça? Ouais, mercredi prochain. Et du coup, on reste un petit peu dans la voiture. Le magazine, alors Rétro Passion Automobile, il est dans les kiosques depuis le 10 mai. Donc là, d'accord. Vous pouvez encore largement vous jeter, ouais. sur vos marchands de Quelle presse. Voiture on a mis à l'honneur? Alors, sur la couverture, une jolie couverture avec un bandeau vert. On a mis une Simca Océane, une magnifique d'accord. voiture qui a été créée pour plaire aux femmes. C'est ça. Voilà, on parle... là-bas, moi, je vous parle de Lamborghini. Lamborghini, je parle... T'as signé plusieurs articles dans ce numéro. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai plusieurs articles, mais il y a pas mal de choses sympas. Il y a un très beau road trip avec une Porsche 944, par exemple. Jack, on peut retrouver notamment sur Jack fait un blog auto.fr, oui, Moustache et Fourchette. Venez liker. Et on essaiera très prochainement de mettre en place aussi à la rentrée prochaine un blog sur un coup d'œil dans le rétro, qui sera le complément finalement de notre émission. On pourrait vous informer assez régulièrement des petites choses à faire dans le coin, ou même des coups de cœur qu'on aura. Donc on va essayer de faire ça pour la rentrée prochaine. Allez, les 17h54, sans transition aucune, nous allons passer aux sorties nationales, locales. Déjà locales, c'est bien. Oui, locales, c'est bien. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois, de 17h à 18h, sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors il y a pas mal de choses à faire, surtout en ces fins d'année comme ça, scolaire et puis avant l'été. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, par exemple, dès ce soir? Alors ce soir, moi je vous propose d'aller faire un petit tour au Classico à Nancy. Donc à partir de 21h30, vous pourrez y retrouver Wilfried pour une soirée 100% swing, et donc vous pourrez un petit peu bouger vos gambettes en ce début de week-end. Samedi et dimanche, donc tout le week-end à la salle et au parc Maringer, des petits voleurs, hein, faut le dire. c'est les Nancy, l'association SCB l'époque, qu'on est bien, les a reçus l'année dernière, organise la manifestation intitulée comment ? Coup d'œil dans le rétro. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux-là ? Mais on va aller leur chasser la baraque. Ils ont copié. Ouais, on n'est même pas invité. Non, mais alors ça. C'est des copieuses. Ils n'ont même pas invité. En plus, ils sont venus dans notre émission, les coquins. Mais ça va être coup de pied dans le rétro. Exactement. Bien joué pour le jeu de mots. Ça va être coup de pied dans le rétro. Direct. C'est vrai, au programme. Alors, il y a des projections du film. Vous voyez, on est fair play. Hein, on donne quand même le programme. Projection du film de La Belle Époque aux Années Folles, d'ailleurs, qui est le nom de leur association. Oui, c'est ça. Des expositions, animations et l'entrée est libre. Il y a aussi quelque chose d'autre à faire ce week-end. Oui, donc samedi de 14h à 22h et dimanche de 9h à 18h. L'entreprise donc prête à porter 5-6 mouches donc invite ses copines pour une boutique éphémère le temps du week-end. Au 102, donc Grande Rue à Nancy, vous pourrez y retrouver Nini Gambette qui était venue nous voir au tout début dans Coup d'œil dans le rétro, qui est une créatrice de prêt-à-porter à l'esprit vintage des années 20 à 40. Il y aura aussi la créatrice Furieuse Brodeuse avec ses manchettes, col Claudine, épaulettes. Et bien sûr, les créations donc, de 5-6 mouches qui est dans, plus dans le prêt-à-porter femmes et enfants. Voilà. Il y a aussi samedi à 20h chez Paulette, 10 ans après le concert hommage à Elvis à Londres, Diving Frog, groupe nancéen de rockabilly, renouvelle l'hommage cette année en invitant 3 grands artistes internationaux à se joindre à eux. Ils réinterpréteront plus de 40 titres du répertoire d'Elvis des années 50. Seront donc présents la jeune star anglaise montante du rockabilly Lew Lewis, la chanteuse et pin-up Miss Rhythm Sophie et le chanteur pianiste showman Mike Sanchez, ex-compagnon de route de Jeff Beck, Clapton, McCartney et bien d'autres. L'entrée est 20 euros, la pré-vente, les préventes sont à la FNAC et au Champ Écor à jour. Oui, un petit peu partout. Ouais. Et dimanche On peut retrouver de nouveau Wilfried donc pour un bal swing rétro de 17h30 à 21h aux Trois Petits Points, donc à Nancy. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place, il y aura un cocktail d'offert et sinon le prix de l'entrée est à 7 euros. Il y a aussi depuis le mois d'avril, les dimanches, les puces de la vieille ville à Nancy, oui. De 7h à 18h, c'est toutes les deux semaines, je crois. Oui, tous les 15 jours, tout à fait. Et sinon, le 19 juin aussi, on veut en parler, c'est le dimanche 19 juin, c'est un peu loin, mais on vous en parle quand même. À 11h, à la Maison de la Radio à Paris, il y a une vente aux enchères de la collection de disques de Radio France. Plus de 4000 vinyles seront proposés à la vente. Et toutes les infos sur radiofrance.fr. Il y a aussi un dernier événement, c'est toi, Cédric, qui va nous en parler. Oui, alors le week-end prochain, du 27 au 29 mai à Gérardmer, il y a les Motor Days. Donc, c'est le festival Harley-Davidson France, organisé donc sur le site. C'est la deuxième édition, la première édition, en fait c'est tous les deux ans, la première édition était en 2014, ça avait déjà eu pas mal de succès, et là donc cette année, donc rebelote, et il y a déjà 10 fois plus de préventes que la première édition, donc ça va être vraiment énorme. Donc d'accord, ok. Et merci encore à toi aussi, Cédric, d'être venu avec nous. On le rappelle, Motard à la Française. La page Facebook. Vous pouvez liker pour suivre toute l'actualité de la marque. Et Instagram puis les coulisses aussi. Plus sur Instagram, et Snapchat. Les coulisses de la production, les nouveautés, les nouveaux modèles en avant-première. Voilà. À suivre. En tout cas, voilà, ça nous a bien plu que tu sois avec nous aujourd'hui. Eh bien, les amis, malheureusement, notre émission se termine. On se retrouve le 17 juin, tu seras là, Jack ? Oui, chef. Ok, super. Donc, t'as des choses dans les tuyaux ? Ouais, j'ai des trucs dans les tuyaux. Bon. Je vais voyager un petit peu, je vais revenir. Bon, bah super. Anaïk aussi, tu seras là ? Bien sûr. Et on vous remercie, vous les auditeurs, de nous suivre eh bien, chaque mois dans notre petite émission qui nous tient tant à cœur depuis 2014. Et on espère continuer ainsi encore longtemps. Voilà, les programmes continuent sur Fadjet. D'ici quelques instants, à 18h, vous m'en lirez tant. 18h30, Charlie & Co, menu étudiant à 19h30. Et une soirée musicale vous attend. Nous, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.